Profite de ta radio Trace en mobilité gratuitement sur ton application Trace Plus. Trace, premier sur les hits. Mis en deuxième. Toutes choses confondues, au bien de ceux qui aiment Dieu. M'en prie pour un matin, m'en toujours célibataire. Maman, t'es bon, j'ai l'âge. Mais contre moi, y'a découvert. Yo dit, c'est malédiction. Passe-moi toujours l'hôpital. Ça peut que changer à rien. C'est un bras bon, j'ai moins que rété. La santé, c'est où qui va moi. La joie, c'est où qui va moi. Et même ça, ou pas qu'à va moi. C'est bénédiction quand même. Chanter la santé, c'est où qui va moi. La joie, c'est où qui va moi. Et même ça, ou pas qu'à va moi. C'est bénédiction quand même. Écoutez ça. C'est bénédiction quand même. Même les moi pas qu'à moi. C'est bénédiction quand même. Papa moi qui a dit non, sans bon Dieu c'est pas ça moi. Faut pas m'en décourager, toujours ni en solution, toujours ni bénédiction. La santé, c'est vous qui parlez. La joie, c'est vous qui parlez. Même ça, ou pas qu'à parler, c'est bénédiction quand même. La santé, c'est vous qui parlez. La joie, c'est vous qui parlez. To do. not a moment to reflect on the cycle of life, yes. Oh, free the people over hills and valleys too. Don't let them fool you. Don't believe for a minute that they are with you. To free the people over hills and valleys too. Don't let them fool you. Don't believe one minute they don't like you. It hard, it hard, it hard. Communication within, we keep on coming together, and I love to see brothers and sisters looking out for one another. That is the way it should be, not contrary. Stop tearing down each other. Look around to free the people over hills and valleys too. Don't let them fool you. Over hills and valleys too. Don't let them fool you. Don't they believe one minute they don't like you, yeah, yeah. It's about that time. Time is to leave. Tick tack, tick tack. Turn it all the way up. Time is to leave. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour jouait, rentrer tard, étrier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables. Ça t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable. Je connais la nuit comme les guettards. Passe la douane, y'a rien à regarder. De toute façon, je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée. Encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard. Étrier le ciel, l'effet noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh. Na ni na ni na o, na ni na ni na ni na. nina nina ho, nina nani nina ho, nina nina nina ho, nina nani nina ho, nina nina nina ho. Very international cadence in special dédicace. Parce que moi résisté d'où ventre à la vie. On dit si c'est différent. Manzetta et l'homme. On dit si c'est qu'un chanteur. En cas où fait des yeux en moi. Premier beat, moi qu'à garder c'est quand on tient l'homme là. Accoudé à finir dans moi. Soleil a commencé à chauffer. Tout en moi, tout l'esprit moi. Gavé ma meilleure la nature. Caribbean. Station.